Radiomatic. C'est l'artiste Martin Gore, membre de la formation Depeche Mode, qui donnait le coup d'envoi de cette transmission 573 d'Audiomatique. Et c'est grâce à sa composition Kino. Cette composition solo de Martin Gore peut se trouver sur la composition Soul of the Machine, qui se veut en fait un hommage à l'utilisation des synthétiseurs ARP et à son créateur, l'ingénieur de son Alan R. Perlman. Et maintenant, c'est au tour du quatuor suisse Impure Wilhelmina d'assurer la continuité audiomatique.

nous avions droit à Audiomatic, à la formation russe Theodore Bastard, de leur album Vedvi, paru en 2015. Nous entendions la pièce Eon. Et pour débuter la séquence, nous avons joué le quatuor suisse Impure Wilhelmina, de son mini-album Dead Decades, sorti en 2023. Nous écoutions sa reprise de la chanson Plain Song, originalement composée et interprétée par le groupe anglais The Cure. Et allons-y maintenant avec une pièce du groupe Wire. Thank you. Audiomatic, cette séquence musicale se concluait sur la pièce Body Sync de la formation Controlled Bleeding, pièce qui provient d'un enregistrement en direct au club CBGB à New York en 1982. Il est possible de trouver cette pièce sur l'anthologie Before the Quiet, qui retrace les premiers balbutiements de Controlled Bleeding à la fin des années 70 et au début des années 80, à l'époque influencée par les mouvements punk et no wave. Avant Controlled Bleeding, c'était The Pop Group, une version alternative de la composition We Are Time qui se retrouve sur l'album Alien Blood. La version originale de la pièce apparaît sur l'album Why, paru en 1979. Et pour amorcer la séquence, c'était le groupe britannique Wire et sa pièce A Touching Display, tirée du troisième album 154, publié en 1979. Audiomatic se poursuit maintenant avec le groupe français Kill the Thrill. Chacun son espoir. Yeah, let's go. Il s'agissait à Audiomatic de la formation américaine Fourth Wanderers, de son troisième album The Longer This Goes On, qui a été lancé le 18 juillet 2025. Nous vous avons présenté la chanson Springboard. Précédemment à Fourth Wanderers, c'était le groupe français Kill the Thrill, qui existe depuis 1989. De son cinquième album Autophagie, paru en 2024, nous vous avons présenté la chanson Le Dernier Train. Le projet brésilien Prado mettra un terme à cette transmission d'Audiomatique grâce à Exu, une composition qui se retrouve sur la compilation Mox Volume 3, produite par l'étiquette numérique Casa Chaos.